parti sans savoir où, comme une graine qu'un vent fou enlève et transporte. À la ville où je suis allé, j'ai langui comme un grain de blé dans la friche morte. J'ai dit bonjour à bien des gens, mais ces gens-là étaient méchants comme moi. L'amour m'a fait saigner un jour, alors j'ai fait saigner l'amour tout au long de ma route. Notre-Dame des Sillons, ma bonne Sainte Vierge à moi, dont les anges sont des grillons, terre, je reviens vers toi. Je suis descendu bien souvent jusqu'au cabaret où l'on vend l'ivresse trop brève. J'ai fixé le ciel étoilé, mais le ciel, hélas, m'a semblé trop haut pour mon rêve. Notre-Dame des Sillons, ma bonne Sainte Vierge à moi, dont les anges sont des grillons, ô terre, je reviens vers toi. Là de chercher là-haut, là-bas, tout ce que je ne trouve pas, je reviens vers celle dont le sang coule dans mon sang et dont le grand cœur caressant aujourd'hui m'appelle. Notre-Dame des Sillons, bonne Sainte Vierge à moi, dont les anges sont des grillons, ô terre, je reviens vers toi. Notre-Dame des Sillons, ma bonne Sainte Vierge à moi, les anges sont des grillons, ô terre, je reviens vers toi, je reviens vers toi.